Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec nous ce matin. J'espère que ça va, c'est le moment que vous attendez tous. Le moment où quelqu'un en France va se faire réveiller, où quelqu'un en France va devoir supporter une musique absolument immonde. Maître Seiko Sakwartos, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour maître. Koé. J'espère que vous allez bien. Appelez-moi maître, j'aime beaucoup. Et vous avez l'œil sur le chronos, donc vous êtes prêts, nous allons avoir une petite victime. Oui, la petite victime du jour. Mais nous ne savons pas encore avec quelle musique, c'est pour ça que nous allons faire tourner la roue de la tolérance, du seuil de tolérance. Le seuil de tolérance avec Koé. Oh ! Ah ! Une telle poésie ! Un classique ! Tu pues du cul ! De bon matin ! Tu pues du cul ! C'est vrai que tu pues du cul ! Maître, sors ! Maître Seiko Sakwartos, c'est pas moi, c'est Sylvain. Maître Seiko Sakwartos ! Oui ! L'œil sur le chronos ! L'œil et le doigt ! Nous appelons quelque part en France, attention ! Ça pue. J'aime beaucoup les paroles. Moi aussi. Y a-t-il quelqu'un ? Suspense. La petite victime. Allô ? Alors ? Oui, allô ? Oui. Oui, allô ? Je vous écoute. Oh, oh. Tu pues ton cul, connard, bâtard, je t'emmerde, si t'as des couilles, donne ton nom, je t'emmerde, connard, tu pues du cul, tu pues du cul, viens, viens, si t'as des couilles, tu pues du cul. C'est pas les bonnes paroles ou est-ce qu'il s'est fourni ces paroles-là ? Non, en plus ça rime même. Mais qu'est-ce que ça n'a rien à voir. Mais c'est incroyable, combien de secondes ? Il a fait 44 secondes. Mais c'est pas les bonnes paroles. Mais ça rime même pas. Rappelle-le en plus. Pour qu'il réécoute encore apprendre. Une fois le disque. Mais oui, non, c'est pas, c'est n'importe quoi. Quel poète. C'est du La Fontaine. Je connaissais pas ces paroles. Tu pues du cul. Je t'ai en numéro. Le 4723 Merci, enculé! Tu prends le numéro maintenant, on va appeler la police. Fils de pute, enculé de merde! Je vais te niquer ta gueule, espèce de bâtard! Prends le numéro de téléphone. Note-le. Tu l'as noté? Impeccable. Ta gueule, elle va bientôt finir, bâtard! Eh bien, je pense qu'avec une invitation aussi sympathique, on ne peut que rappeler. Tout à fait. Combien de secondes ? 34 secondes. Moudine, tu peux faire la touche bis. On rappelle, on rappelle. Tu as le droit, tu as le droit. On va se faire des potes. Bah oui. C'est bon, ça. Allô ? Tu pues du cul, espèce de bâtard, 21-015. Merci. Enculé. La petite touche perso, oh, l'ami. La petite touche du mec derrière. PD. C'était le seuil de tolérance.